Activité 5, page 115. Piste 87. 1. L'Égypte. 2. La Belgique. 3. La Bulgarie. 4. La Thaïlande. 5. La Côte d'Ivoire. 6. Les États-Unis.